le son pourri guitare. Putain, le batteur il s'est arrêté, il en avait marre. Ça. On prend un sur l'un. We'll be right back. Attends, y'a le bassiste qui rame. Le bassiste, il est perdu. Oh, Philippe. Donne-moi les accords de bassiste, pro bassiste. Ok. punk s'est transformé. Hein. Et tu vois les punks qui sont en train de faire la techno. Ils enlèvent les crêtes et tout. C'est ça. Arrêtez ces conneries là. Ils sont synthétiseurs là. Allez, bon week-end! Yeah.